chanter. Te quiero. No sé por qué te quiero. Tienes este sentimiento. No sé por qué te quiero. Mami, mami, mami, te quiero. No sé por qué te quiero. Tienes este sentimiento. Permítanme explicar. Cosa es importante. Yo no sé por qué te. Ce qui devait être une histoire sans stress est maintenant devenu complexe. Un truc trop dur à gérer, va falloir trancher. Elle me dit j'ai les sentiments, fini le temps des amours. Si tu connaissais les conséquences, fallait pas jouer. Tu te dis aïe aïe aïe, je te dis wow wow wow. À chaque fois on n'arrive pas à s'entendre. Et même quand c'est une petite galère, toi tu vas crier misère. Au final y'en a toujours un qui va chanter. Te amo, je t'aime. Porque tengo